samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif. Ce soir, on commence avec des secondes extraits pour deux albums qu'on a présentés la semaine dernière. Le premier du groupe italien Sintesi del Viaggio DS. C'est l'album Gli Alberi di Stravopol. Et puis le second, c'est de la formation New Trolls, un groupe qui roule sa bosse depuis plusieurs décennies. Et un nouvel album qui a pour titre Le Radici e il Viaggio Continua. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on va faire un petit tour du côté des Pays-Bas, sauf erreur. Oui, c'est la nouveauté de la formation Burnt Field, qui a été formée à Amsterdam par un musicien originaire de Helsinki, en Finlande. Et c'est leur second album qui est paru en novembre 2021, Impermanence. On aura la pièce The Light. On aura également une formation de la Suède, la formation Cap Outrun. Et leur premier album, en fait, Eye on Deception, ils avaient fait paraître un EP en 2008. La formation a débuté en 2007, alors que les musiciens étaient encore à l'école. Donc, ils ont travaillé sur cet album, Eye on Deception. On aura la pièce Dopamine Overflow. Mais tout d'abord, comme le disait Michel, des extraits des nouveaux albums de Sintesi del Viaggio di S et New Trolls. Hello, I'm Valerio Roda of Sintesi del Viaggio DS, and you're presently listening Terra Incognita directly from Quebec City. Dormire, non voglio sento straniero in terra straniera, solo un punto in questa città. Dalla folla sento il mio nome, il destino mi prende per mano. Strade e palazzi coperti di neve, piumi ghiacciati e venti del nord. Vittima resa di una stare qui. Non voglio più tornare. Vuoi cambiarti il destino? O subisci quello che hai? Vuoi fermare il nulla che avanza? Forse non ho più voglia di tornare. Questo nuovo sole mi ha illuminato la mia realtà. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour amorcer cette seconde demi-heure, on va y aller avec Dave Bainbridge, un extrait de son album To the Far Away, son quatrième disque solo. Un excellent guitariste qui fait aussi partie de Live Signs et puis qui est aussi cofondateur de la formation celtique Iona. On aura d'Allemagne Cyril, un groupe qui se décrit un peu comme prog mélodique, formé en 2010. C'est son quatrième album Amenities Quaint, Secret Place Part 2. Et puis Marc, après ça, ben, on reste en Allemagne. Oui, et on aura un extrait de la nouveauté de la formation allemande The Ancestry Program. C'est leur second album, paru en 2021, intitulé Misty City Ambassadors Part 1. Leur précédent, Tomorrow, était paru en 2020. Donc, de ce nouvel album, on aura la pièce Lovely Lies. Et on aura également une primeur de Jean-Pierre Louveton, JPL, qui est un membre fondateur de la formation française Nemo, avec un extrait de son album Sapiens, chapitre 3 de 3, dont la date de parution est prévue pour le 25 mars prochain. Donc on aura la pièce Mon cercueil. Mais pour débuter le bloc, comme vous le disait Michel, on y va avec Dave Bainbridge. Thank you. Hi, this is Marek of Serial and you are listening to Terra Incognita. Hope you'll enjoy this song from our new album, Amenti's Coin. Oh my child, your words so moved me. And it's clear that we wasted time. If you were here, I would hold on tightly. I pray that you will find peace at last. I am now delivered home, and I run home to you. Oh Father, please forgive me, tell me now what I must do. If you still love her, take this parchment, it shows all the ways, ways to go. Signs appear before my eyes, a map to the underworld. Mountain passageways, rivers to cross, reached by the less full moon day. Surround me if I take. time for goodbyes. The days are now shorter. Or you must return, or you will perish alone. So take the task and follow your heart. Pack up, be ready to make a fresh start. To make a fresh start. See a place, set a peace before me. Journeying onwards to death and acting this desperate scream. out in my mother. So fly, so up and fly, here we do. Love me, love. suspensif, j'ai mis le monde en sommeil. L'heure était grave, il n'était plus temps de bouger. Là dans ma cave, je sens bien les murs trembler. Je t'ai ici à la suite. CKRL 89.1. 5, 4, 3, 2, 1. Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture. Quoi de plus beau, sincèrement? Ma TV 9 Elix, chaîne exclusive Vidéotron, et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. Le Mois Multi Festival d'art multidisciplinaire et électronique est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'Espace 400e. Expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art. Découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit? Consultez la programmation au moismulti.org. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour pour la troisième demi-heure de l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation française Alco Frisbass, tirée de leur plus récent album Le Mystère du Gay Pucelle, donc un second extrait de cet album paru en 2021. On aura la pièce Histoire diffuse. Ensuite, Michel, un extrait du plus récent album d'un artiste de l'Allemagne. Oui, il s'agit de Ulf Jacobs, connu sous le nom de Jacobs, et c'est le batteur de Argos, la formation allemande Argos. Et là, je dis batteur, mais on peut dire que c'est aussi un multi-instrumentiste. Premier disque solo paru en 2001, Still Love You. En 2004, il présente Lifespan. 2007, Estella. Et en 2011, il assure tous les instruments, ça c'est une première pour lui, sur l'album Time Machine qui est paru en 2011 et successeur après Clouds en 2012. Cette fois-ci, son complice de Argos, le multi-instrumentiste et bassiste Thomas Carman, se joint à lui. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour le plus récent Beautiful, paru en 2020. On va écouter un extrait de cet album Beautiful, et c'est la pièce épique It's Beautiful, pas loin de 18 minutes au compteur. Mais avant d'écouter cette pièce épique, on y va avec la formation française Alco Frisbass. Thank you. clouds are perching down. Ice paint fills the night. As cats relinquish all their sounds, silenced by sight. Time of glory, moments tales from endless sand. Shadows grow, they grow way too far, and sunrise lights could tell tales from the dwarf in the jar. Time of glory, moments, tales from endless sand. of salt as tears slip with the drowning mind. But when all is said and done, I will meet you by the sun, united in eternal times. Looking back on nights of love, strung like photos in the hall, all of them so beautiful alive. Thank you. CKRL 89.1. Le Mois Multi, Festival d'art multidisciplinaire et électronique, est de retour. Du 3 au 27 février, visitez des installations à Méduse et à l'Espace 400e. Expérimentez la réalité augmentée et les jeux vidéo d'art. Découvrez nos offres en ligne et participez à notre volet professionnel. Le Mois Multi, c'est pour tous. Alors, on s'y voit? Consultez la programmation au moismulti.org. Non, non, ce n'est pas une erreur. Faut que tout est officiellement de retour avec leur album Cookie Computer. Cookie Computer est maintenant disponible en magasin et sur toutes les plateformes de streaming. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Dans le dernier bloc musical pour l'émission de cette semaine, on aura la formation de Montréal Excubus, qui avait débuté sous le nom de Incubus dans les années 70, mais lorsqu'ils ont fait paraître leur premier album dans les années 2000, le nom Incubus était déjà réservé par d'autres formations. Alors, ils ont pris le nom de Excubus et ont intitulé leur album Mémoire Incubusienne, donc paru en 2008. Cet album comporte des pièces composées en 1974 et des pièces composées dans les années 2000. On aura la pièce Pendergast. Mais pour débuter, Michel, une excellente formation italienne, une des meilleures des années 2010. Ah oui, la Coscienza di Zeno, qui a fait une entrée remarquée en 2011 avec l'album éponyme de la Coscienza di Zeno. Et deux ans plus tard, tout le potentiel du groupe était confirmé avec le second album Sensitivita. En passant, c'est à ce moment-là que Luca Scherani, un musicien dont on parle souvent ici dans le cadre de l'émission, c'est à ce moment-là qu'il se joint au groupe et deux autres albums sont parus, un en 2015, La Notte Anche di Giorno, et en 2018, Una Vita Migliore. Et on en espère un nouveau bientôt. Mais en attendant, ben, on écoute un extrait de ce premier album éponyme. Il s'agit de la pièce Nei cerchi del legno. mentre tua madre chiamava i gendarmi per far buttar via tuo fratello di legno, l'abecedario ingiallito portavi nella tua cartella cucita da mani inesperte. Volesse il cielo che un giorno di maggio a Firenze incontrasse l'amore, quel povero attore sembiante un fanciullo un po' crullo incline a perder la strada per casa. Thank you. bloodsuckers. You see a man, her long cape, red and black. Allow me to introduce Sir Pendergast. Mm-hmm.